pour déplacer ta remorque ou ta roulotte, pour un voyage de pêche ou pour amener tes enfants à leur partie de soccer. Et comme tu travailles fort, ça te prend un camion pour te surpasser. Le Ford F-150 est pour toi. Tous les autres camions voudraient lui ressembler, mais il n'y a qu'un seul Ford F-150. Passe le voir chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien et profite de la super promotion du prix employé Ford. Tu obtiendras les meilleurs rabais sur tous les véhicules Ford et sur ton F-150. Le dossier de la vente des Alouettes est vraiment rendu une saga, c'est rendu un roman savon. Dernièrement, mon invité a sorti dans la presse et un peu partout dans les stations de radio dans le coin de Montréal pour parler un peu de ses inquiétudes face à l'acquisition des Alouettes par les frères Lanka. Question de savoir davantage, on lui parle. On parle à Éric Lapointe. Salut Éric. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Éric, première question que je... C'est drôle que tu mentionnes le fait que je suis sorti dans les médias, mais en réalité, c'est vous autres qui m'ont fait sortir de mon silence. Ah, ben c'est quand même bien pareil. Il semble qu'il y a des médias qui se posaient bien des questions. Ah, effectivement, puis t'as bien répondu. Fait que les stations de radio, à quelque part, t'appellent pour avoir savoir davantage, parce que c'est tellement rendu une histoire incroyable, cette vente des Alouettes-là. Dis-moi, moi, je t'ai entendu au 91.9, je t'ai entendu hier au 98.5. Tu sembles être le propriétaire parfait pour les Alouettes de Montréal. Par contre, la réflexion que je me pose, il manque sûrement quelque chose. Comment ça se fait que Éric Lapointe n'est pas pris au sérieux par la Ligue canadienne de football? Pas une question facile, parce que probablement c'est pas Éric Lapointe, puis ça a jamais été. Le groupe d'Éric Lapointe, Thomas. Donc j'étais on résume ça là à mon nom, mais en réalité on était un groupe extrêmement solide d'investisseurs, tous des propriétaires d'entreprises de renom québécois. Mmh. Donc québécois, ça inclut francophones et anglophones, mais notre objectif au départ, c'était simplement de sauver l'équipe, parce que c'est la Ligue, en réalité, ouais, qui est venue, qui nous a approchés en février dernier. Mais la Ligue, à ce moment-là, faut aussi comprendre que la Ligue n'était pas propriétaire de l'équipe. L'équipe était encore détenue par la famille d'origine, la famille Ouattara. Donc, même si oui, c'est une saga, oui, c'est on peut appeler ça un roman savon ou une histoire, mais en réalité, une transaction comme celle-là, qui implique d'ailleurs deux transactions, parce qu'il fallait que la Ligue rachète l'équipe, et ensuite la Ligue trouve un acheteur pour la reprendre. Donc c'est toujours un petit peu plus complexe qu'on peut l'imaginer dans ce genre d'entente-là. C'est assez fréquent qu'on voit des mois passer, donc ça peut durer entre 6 mois des fois à 1 an. Maintenant, c'est sûr que là, il y a une période qui est difficile pour tout le monde, parce que une exclusivité qui a été donnée à un groupe, le groupe des frères Lanka, qui semble très près, quand on regarde de l'extérieur, d'obtenir l'équipe, parce qu'il était même dans le vestiaire la semaine passée. Mais ah oui, c'est assez spécial, ça. J'ai confirmé que les gouverneurs n'ont jamais donné leur bénédiction, si on veut, et c'est vraiment eux et non pas le commissaire qui vont prendre la décision. Donc, pourquoi, qu'est-ce qu'ils avaient à offrir, pourquoi ils ont obtenu l'exclusivité, qu'est-ce qu'ils vont emmener, alors qu'ils ne semblent pas pour le moment avoir de présence francophone. Donc, la grande question reste toujours la même. Pourquoi viser, encore une fois, des Américains, même s'ils sont d'origine canadienne, pourquoi viser des gens qui sont pas ici sur place, qui n'ont pas les contacts, qui sont pas capables nécessairement de rapprocher la population de l'équipe, alors que c'est une équipe qui c'est pas le Canadien de Montréal, c'est une équipe avec un budget qui est quand même limité. Il faut être capable de s'entourer de gens compétents avec des forces différentes pour être capable d'amener cette équipe-là à une pérennité, à pas revenir à ce même cycle-là dans 3 ans ou dans 5 ans. Ouais. Donc la grande question est pourquoi Lankov? Pourquoi? Qui est autour d'eux? Quels sont leurs plans? Quel est leur plan? J'ai essayé, ils m'ont même appelé à plusieurs reprises pour tenter de m'amener avec eux. J'ai jamais dit non. Je leur ai simplement demandé quel était leur plan de venir nous rencontrer. Puis, j'ai jamais eu de réponse à cette simple question-là. Donc, je n'avais pas le choix de dire non. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je n'ai aucune idée. Il semble que l'exclusivité devrait tomber vers la fin de la semaine. Donc, je pense que c'est la raison que les médias sont un petit peu plus à l'affût. Mais pour l'instant, on voit pas rien à l'horizon. Éric, je t'entendais au 98.5 hier dire à Jérémy Rainville que les Falenka voulaient que tu ailles à Edmonton. Puis là, ils se sont vantés que Shannon Sharpe allait être là, que Andrew Reed allait être avec eux autres. Est-ce que ça a pu impressionner le commissaire? Il me semble que c'est des... Je peux pas répondre pour lui. On m'a dit qu'il y avait un côté entertainment qui était fort, qui était différent de ce que les autres groupes avaient offert. Mais c'est clair que la conversation que j'ai eue, qui était quand même assez tôt, là, c'est pas comme si on se connaissait depuis des années, puis là j'entends le nom de Sean Sharp, Andrew, qui ont été à Edmonton d'ailleurs. J'entendais le nom de Céline Dion, j'entends le nom de plein de monde, mais je voyais pas vraiment c'était quoi le rapport avec l'équipe et le futur de l'équipe. Donc, il n'y a rien de ce qu'on nous disait qui faisait vraiment du sens sur comment on allait remonter une équipe et une organisation, parce que l'équipe va bien en ce moment, mais le reste de l'organisation, il y a quand même des gens qui se demandent encore s'ils vont avoir un emploi l'année prochaine. Donc, s'ils sont pas capables de me donner, puis je leur ai posé par courriel, je leur ai posé la question trois fois en leur demandant de me donner quelque chose pour me donner l'espoir ou m'inspirer à aller à Edmonton les rencontrer, puis j'avais rien. Donc, s'ils veulent aller faire le party et s'amuser à Edmonton avec Shannon Sharpe et Andrew Reed qui ont rien à voir avec le Canadien de football, ben malheureusement, je peux pas me mêler à ça. Non, mais je veux dire, quelque part, ça doit être impressionnant. S'ils se vendent d'avoir ça, à quelque part, ça ressemble à des... Je dis ça de même, c'est peut-être des beaux parleurs à quelque part, puis c'est puis le commissaire a embarqué sur leur charme. Ça peut être ça aussi, là. Une question? Ça peut être ça, mais quelle déception si c'est le cas. Ouais. On parle quand même d'une entreprise, on parle quand même également d'une ligue. C'est les propriétaires des autres équipes en ce moment, ils jettent de l'argent dans l'organisation. Ouais. Et on s'entend que la Ligue canadienne de football, c'est une ligue qui est mieux gérée qu'elle l'était, mais personne n'a le goût de mettre un million cinq de plus dans le compte par équipe pour essayer de sauver les Alouettes de Montréal. C'est sûr. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un plan, puis il faut que ça bouge. Là, il n'y a rien qui bouge. OK. Éric, il faut que je te pose la question, parce que ça chicote beaucoup de monde. C'est-tu parce que tu es francophone? J'aurais tendance à dire non, parce qu'à une des conditions du gouverneur, c'était d'être associé avec un... Au moins avoir un groupe francophone sur place. Puis je suis francophone, peut-être que c'est pas la condition d'être francophone, mais au moins d'avoir des Québécois sur place qui sont capables d'aider, qui sont capables de rassembler les gens. Parce qu'il reste qu'il y a des sièges à vendre, il y a des loges à acheter, puis ça, les Alouettes ont beaucoup discuté depuis l'agrandissement là, à 25 000 spectateurs, mais les loges, il y a 21 loges à vendre. C'est pas des choses qui sont vraiment faciles pour un groupe. Qu'on ait un groupe de marketing dans un budget de 20 millions, là, c'est probablement que toute l'entité des Alouettes au complet représente le groupe de marketing du Canadien Montréal. Ouais. Donc, on parle pas du tout de la même chose. Donc, d'avoir des gens sur place, des gens connectés, des gens qui sont en train de le faire, c'est un prérequis pour les gouverneurs. Maintenant, est-ce que c'est parce que je suis francophone? J'aurais tendance à dire non. J'aurais peut-être plus tendance à dire que c'est peut-être mon énergie, mon enthousiasme. Il y a peut-être quelque chose quelque part que qu'ils aiment pas en moi, mais même là, si c'était pas moi, j'ai même aidé d'autres Québécois qui, eux, voulaient acheter l'équipe par eux-mêmes sans avoir besoin de moi à le faire, et ils ont pas été entendus. Donc, comment ça... J'ai jamais demandé, moi, de détenir l'équipe. Je voulais le faire parce qu'on m'a demandé de le faire. Ouais. S'il y avait un propriétaire qui se présentait, un propriétaire qui a l'équipe à l'intérieur, j'étais parti à n'importe quand. Mais comment ça vaut, les Alouettes? Parce que, quelque part, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de centre d'entraînement... tout est loué, il n'y a pas beaucoup d'actifs. Comment qu'on fait pour faire un offre là-dessus, Éric? Ce n'est pas simple, ça dépend encore une fois même du timing, parce que les offres vont différer là, d'acheter l'équipe en février puis d'acheter l'équipe en début de saison, c'est différent. Puis acheter, c'est un gros mot, parce qu'en réalité, comme tu le dis, tu viens d'extrêmement bien le dire, c'est les revenus, quand on parle d'EBITDA ou de revenus ou de valeur d'entreprise, c'est toujours un multiple de tes revenus net d'impôt. OK, si t'as pas de revenus, puis t'as pas d'actifs, qu'est-ce qui reste? On arrive toujours à un chiffre qui est pas loin de zéro. Maintenant, t'as besoin de gens qui ont quand même suffisamment d'argent, parce qu'on s'entend que la première année va être une année probablement de perte, la deuxième peut-être, sinon revenir à even, revenir au point mort, puis moi, dans mon plan, le plan qu'on avait roulé avec les différents spécialistes qui sont autour de moi, on arrivait avec un profit à la troisième année. Donc, ce qui était quand même extrêmement bien pour nous. Est-ce qu'il y a quel prix on doit mettre à ça? Je l'ai demandé et on m'a jamais répondu. Nous, on était prêts à mettre, en réalité, si je dis un chiffre, ça aurait pu être n'importe quel chiffre, mais on mettait 35 millions dans un compte Incross pour être sûr de pouvoir rouler l'équipe et d'amener une certaine sécurité à la ligue. OK. Éric, je t'ai entendu aussi, tu avais l'air assez confiant de tu me laissais de me dire à troisième année de faire du profit. Comment qu'on fait pour rentabiliser ça? Quelque part, il y a un bon contrat de TV, ça, c'est intéressant. Et la et à quelque part, ça démontre le potentiel pareil, parce que malgré tout ce qui se passe, il y a eu 14 000 personnes dans le match pré-saison. Puis là, depuis, avec trois victoires, on sent comme un engouement pour les Alouettes de Montréal. Alors, ça, c'est intéressant pour un futur potentiel propriétaire. Moi, je suis en finance depuis quand même presque 20 ans. Aujourd'hui, j'ai quelques familles. On a plus ce qu'on appelle un family office, donc on s'occupe beaucoup plus de fiscalité, de succession, mais également de structurer des ententes privées, donc des acquisitions avec des groupes privés. Donc les Alouettes, pour moi, c'est un deal comme un autre pour les clients. Oui. Est-ce que c'est le deal qui était le plus payant? Clairement non. Mais pourtant, tout le monde voulait embarquer quand même. Plein de gens disent que les Québécois n'étaient pas prêts à embarquer dans l'histoire des Alouettes à cause des derniers états financiers. Je peux définitivement vous dire que c'est pas le cas. C'est pas le nombre d'investisseurs ou l'argent qui est manquant. Mais en bout de ligne, tout le monde cherche un petit peu qui va gérer. Donc, si quelqu'un approche Jeff Molson en ce moment, lui demande pourquoi tu vas pas jumeler les Alouettes avec le Canadien de Montréal, il va répondre à regarde, je regarde les états financiers, puis ça va de pire en pire. Qui va gérer ça? Donc, non, on va passer à côté parce qu'il n'y a pas un grand profit, mais quand il y a des gens qui sont vraiment intéressés de partir des Alouettes et même voir plus grand, si on parle pareil d'un stade de baseball qui va peut-être être réalisé sur le bassin Peel, donc il y a quand même des gens qui détiennent ces terrains-là. Est-ce que ces gens-là sont dans mon groupe? Peut-être. Est-ce que les architectes qui sont supposés bâtir le stade sont dans mon groupe? Peut-être. Est-ce qu'on a la possibilité de faire quelque chose de plus gros par après avec l'équipe? Certainement. Donc, en réalité, si on veut vraiment parler business, juste business, c'est pas d'équipe. Oui, il y a un potentiel énorme. Mais maintenant, le but premier de tous ces gens-là, c'était un défilé sur la Coupe Grey, sur la Sainte-Catherine, avec la Coupe Grey, d'aller à Québec, puis de retourner à Chicoutimi ou Jonquière, avec la Coupe Grey, puis d'être fier avec les Québécois. On l'a offert. J'ai même reçu des appels pendant qu'on était en négociation parce que j'avais signé un non-disclosure, une clause de non-divulgation. Et j'ai eu des gens qui m'ont écrit sur LinkedIn, sur mon courriel pour offrir d'embarquer. Ces gens-là n'ont jamais été sollicités. Là, tout le monde me disait, OK, mais offrir de l'argent et le faire, c'est deux choses. Donc, on a fait signer des lettres d'avocat en 35 heures et on avait déjà 10 millions. Donc, est-ce que les Québécois francophones étaient prêts à embarquer? C'est clair. Ça venait de toutes les régions. Donc, il faut simplement considérer que c'est notre équipe, c'est l'équipe du peuple. Et quand je disais ça au départ, c'est pas un slogan, c'est vraiment ça. Éric, dans tes négociations que tu as eues avec la LCF, est-ce qu'il y a été question d'un nouveau stade? Est-ce qu'on a exigé un nouveau stade? Oui, moi, lors de ma présentation, j'avais parlé de évidemment, un des grands problèmes, justement, tu le mentionnais tantôt, de ne pas avoir de stade, ne pas avoir d'équité ou d'immobilier. L'équipe est divisée, l'organisation est divisée en deux depuis 20 ans. Donc, le côté administratif est au centre-ville, le côté football opération est au stade olympique, avec pas de terrain. Juste ces deux loyers-là sont extrêmement dispendieux. Et comment est-ce qu'on peut gérer une organisation en séparant la tête? Le côté administratif et le côté football opération doivent travailler ensemble. Là, pourquoi sont dans deux endroits différents? C'est complètement illogique. Ce l'était autant quand je jouais en 2001-2002 que ce l'est aujourd'hui. Ça n'a jamais été fait. Donc, de bâtir au moins un stade de pratique, un endroit, une maison pour l'équipe, c'est la première chose à réaliser. Ça, c'était même pas inclus dans les sommes qu'on mettait, mais j'avais les gens pour le faire. On avait même les plans qu'on a présentés à la Ligue. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux dire de plus? Les autres ne semblent pas avoir accroché sur ce point-là. C'était clairement pas une question de rentabilité. C'était une question de trouver une façon d'avoir une synergie dans l'organisation. c'est la même chose dans n'importe quelle entreprise. Ouais. Depuis que tu as fait, dernière question, Éric, depuis que tu as fait des sorties au 91.9, 98.5, dans la presse également sur TSN Radio, est-ce qu'il y a eu, tu as eu des approches de faillite? Est-ce que la Ligue canadienne t'a approché? Est-ce que des gouverneurs t'ont appelé? Est-ce que, parce que c'est Ronnie Ambrose qui mène le dossier, est-ce qu'il y a eu des développements depuis ce temps-là? Ben, ils ont été extrêmement disciplinés sur ce côté-là. Donc, le plus premier de la Ligue, c'était chez l'équipe, ils l'ont fait. Ensuite, Randy Ambrosie était mandaté pour trouver des acheteurs. Et il y avait deux gouverneurs qui devaient suivre Randy et ils leur présentaient. Et ensuite, l'ensemble des gouverneurs, des 8 gouverneurs, devaient prendre la décision. Donc, ils ont donné l'exclusivité de négociation au Falenkov le 1er juin. Ouais. Nous sommes proches maintenant. Ben, nous sommes quasiment dans les vacances de construction. Il n'y a toujours rien qui s'est passé. Mais ils ont toujours dit que quand tu donnes une exclusivité, puis ça, je le respecte, parce que si on me l'avait donné, j'aurais aimé ça qu'il la respecte. Mmh. Mais pourquoi maintenant on est rendu si loin qu'il n'y a toujours rien qui se passe alors que le dossier était ouvert en février? Aucune idée. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il semble être les favoris de Randy? Je ne le sais pas. Mais demain, je suis supposé lui parler, mais je ne suis pas certain, suite aux nombreuses conversations que j'ai eues avec Randy Ngozi, que c'est nécessairement une conversation qui va m'amener nulle part. OK. Ben, Éric, peut-être on va dire ça. Éric, merci beaucoup. On va suivre le dossier de proche et la saga qui est vraiment rendue vraiment un roman savon de la vente des Alouettes. Éric Lapointe, gros merci pour le plaisir de se parler. Hey, croisons-nous les doigts. Ils viennent quand même de gagner 3 victoires en ligne. Oui, c'est vraiment incroyable. Kerry Jones fait un travail colossal. Faut le dire, là. C'est de garder le focus avec tout ce qui se passe. C'est incroyable, toute l'équipe. Merci beaucoup. Les gars se donnent, puis ils donnent cœur et âme pour le partisan. Oh. Donc, faut leur donner ça. Effectivement. Éric Lapointe, peut-être futur propriétaire des Alouettes de Montréal.